بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في السؤال السادس بعد المئة 106 question de ce livre. سئل الشيخ رحمه الله هناك بعض الناس يمزح بكلام فيه استهزاء بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالدين فما الحكم في ذلك؟ Donc il dit, il a interrogé qu'il y a des gens qui plaisantent en se moquant d'Allah ou du messager ou de la religion. Donc, quel en est le jugement ? فأجاب رحمه الله تعالى هذا العمل هو الاستهزاء بالله أو رسوله أو كتابه أو دينه ولو كان على سبيل المزاح ولو كان على سبيل الإضحاك القوم على إضحاك القوم نقول إن هذا كفر ونفاق. Donc il a dit cette façon de faire, cet acte qui est de se moquer d'Allah ou de son messager ou de son livre, de sa religion, même si c'est pour plaisanter seulement ou le fait dans le juste pour faire rire les gens, alors cela est de la mécréance et de l'hypocrisie. وهو الناس الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Et ça, c'est exactement ce qu'ont fait ces gens-là, sur qui est descendu le verset à l'époque. À l'époque du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont dit, nous n'avons pas vu de gens, parmi nos lecteurs, avoir de plus gros ventres, et avoir de langues plus mensongères, et être plus lâches que eux lors de la rencontre, en visant par là le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Donc, c'est sur eux qu'est descendu le verset dans le sens où Allah dit, si jamais tu les interrogeais, ils te diront certainement, nous ne faisions que plaisanter et jouer. Tawba, désaveu verset 35. L'ennahum ja'u ilan nabi sallallahu alayhi wa sallam, yakouloun innama kunna natahaddathu hadith al-rakab, naqta'u bina ina al-tariq, fakana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yakoulou lahum ma amarahu allahu bihi. أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ. Donc, ces gens-là, lorsqu'ils se sont rendus auprès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont su qu'ils étaient dévoilés, c'est ça, telle était leur excuse, pour dire, nous ne faisons que plaisanter, ou le chemin, la parlotte pour faire passer le chemin. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, parce que Allah azza wa jalla lui a ordonné de leur dire, par son verset, dans le sens où il dit « Est-ce d'Allah et de ses versets et de son messager dont vous vous moquiez ? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. » Les avez versets 65 à 66. « Fajanib al-rububiyya wa risala wa al-wahi wa al-din janibun muhtaramun la yajuzu li ahadin an ya'batha fih la bi istiza'in bi idhak wa la bi sukhriya fa'in fa'ala fa'innu kafirun لأنه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه. Donc, prendre en compte que la seigneurie ainsi que le message, que la révélation ainsi que la religion sont des choses à respecter. Il n'est permis pour personne d'en faire usage avec futilité. Ni pour se moquer, ni pour faire rire les gens, ni pour en raillerie. Car celui qui fait cela, c'est un mécréant. Pourquoi ? Car cela prouve le dédain qu'il a envers Allah, le mépris qu'il a envers Allah Azza wa Jal et ses messagers et ses livres et sa législation. وَعَلَى مَنْ فَعَلَ هَذَا أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّا صَنَعَ لِأَنَّ هَذَا مِنَ النِّفَاقِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرَ وَيُصْلِحَ عَمَلَهُ وَيَجْعَلَ فِي قَلْبِهِ خَشْيَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَعْظِيمَهُ وَخَوْفَهُ وَمَحَبَّتَهُ وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ. Donc il dit, celui qui agit de la sorte doit se repentir auprès d'Allah de ce qu'il a commis. Car cela est de l'hypocrisie. Donc il doit demander pardon à Allah azawajal et arranger ce qu'il a commis. C'est-à-dire s'il a parlé devant des gens et de leur montrer qu'il a fait une erreur. Si jamais cela amène à un désagrément à autrui, il doit alors faire en sorte que cela s'arrange et autre. Des fois, ça ne suffit pas seulement de dire « Astaghfirullah wa tawbah ilayh ». Il y a des actes derrière à faire, comme dans les choses de la tauba, qu'il faut réparer le mal commis. Et qui met dans son cœur la crainte d'Allah, et son ta'zim, et qu'il ait sa peur, ainsi que son amour. Et Allah est l'allié, et par lui est le succès. قال في السؤال السابع بعد المئة سوسيتيم كيستيون. سئل الشيخ رحمه الله يكتب بعض الناس حرف صاد بين قوسين ويقصدون به رمزا لجملة صلى الله عليه وسلم، فليصح استعمال حرف صاد رمزا لكلمة صلى الله عليه وسلم؟ Donc il a été interrogé à propos de gens qui écrivent la lettre صاد entre parenthèses à la place de d'écrire la salade sur le prophète. Quand ils écrivent, ils mettent صاد ou des fois ils mettent SAW, nous par exemple en français et autres. Donc est-ce que cela est permis ? فأجاب رحمه الله تعالى من آداب كتابة الحديث كما نص عليه علماء المصطلح أن لا يرمز إلى هذه الجملة بكلمة صاد، وكذلك لا يعبر عنها بالنحت مثل سلعم يعني صاد لام عين وميم. Donc il a dit parmi les comportements à voir lors de l'écriture du hadith, les ulama de cette science ont préciser qu'il ne convient pas de mettre un symbole comme la lettre Sod ou autre à la place de sallallahu alayhi wa sallam, la salade sur le prophète. Tout comme on ne doit pas non plus faire d'abrégé. Par exemple, en arabe, on a, ils mettent le signe, le lem, le ayn et le mim accrochés. Et nous, par exemple, comme on l'expliquait, il y en a, ils font S, A, W, S, par exemple. La raïb anna ramz aw nahd يفوت الإنسان أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كتبها ثم قرأ الكتاب من بعده وتلا القارئ هذه الجملة سارة للكتاب والكاتب الأول مثل الثواب من قرأها. Donc cela ne fait aucun doute que cela prive la personne d'une grande récompense d'avoir écrit la salat sur le Nabi صلى الله عليه وسلم. Car celui qui écrit cela puis ensuite des gens viennent derrière lui et lisent. Et s'il avait, par exemple, s'il avait écrit concrètement sallallahu alayhi wa sallam, réellement, et que les gens passent derrière lui et lisent cela, il en aurait la récompense. La récompense de lui de l'avoir dit et écrit, et la récompense des autres qui ont, par sa cause, prononcé cela. وَلَا يَغْفَى عَلَيْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا ثَبَتَ عَنْهُ إِنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشَرًا. Et ne pas oublier que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui fait la salade sur lui, en disant sallallahu alayhi wa sallam, une seule fois, Allah le fait sur lui 10 fois. Donc la personne, en mettant ce genre d'abrégé, est privée de cette récompense-là. فَلْيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْرِمْ نَفْسَهُ الثَّوَابِ وَالْأَجْرَ لِمُجَرَّدْ أَنْ يُشْرَعْ أَوْ يُسْرِعْ فِي إِنْهَا مَا كَتَبَهُ. Donc il ne convient pas aux croyants de se priver de ce genre de récompense, justement, pour se précipiter à écrire, pour écrire plus vite, et autres. Et beaucoup de ulama parmi les anciens voyaient cela d'un très mauvais œil. D'écrire de façon abrégée, sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, tu l'écris entièrement. Et cela par respect pour lui, et également, comme le chien l'a cité, pour en avoir la récompense, et cela n'était pas connu chez Salaf d'agir de la sorte. فإن جانب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في السؤال السابق المساج doit être respecté et cela par ce genre de comportement. نعم فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.